J'te dirais que mon corps est en verre pilé, que mes ondes du mal à se plier, ce casse au moindre choc, que j'ai peur de ne plus respirer, comme de perdre la vue ou de perdre un pote, que mon ventre n'en fait qu'à sa tête, qui n'est que la mienne, celle d'un détraqué, celle d'un désaxé, que les maladies me guettent à chaque chair frôlée, à chaque toux poussée, à chaque fin de journée. J'te dirais que j'ai peur, moi le capitaine avec comme pire naufrage un lit d'hôpital, tu me crois en titane, mon sourire aux lèvres, mais j'crampe tellement de la sérénité, je suis l'antithèse, j'ai pris mille impacts comme tout bipède, physique ou moral. Je suis pas signé un pacte pour qu'un tout bidmède, car j'ai rien de plus ou de moins que toi, juste le trac H24 de finir à vie hypochondriaque. Ombre d'un doute, ne plane plus sur ma santé, en constante observation. Hypochondriaque, il vient plusieurs fois. Il a une vraie tête d'angoissé. Il y a des choses qui montrent que c'est une vraie hypochondrie. Et puis vous savez, il y a des hypochondriaques, c'est le vrai hypochondriaque et les caricatures. Je te dirais que j'ai peur du temps qui passe sur mon corps et mon visage. À mon âge, on envisage plutôt de penser à l'avenir, de penser à l'amour. Mais je ne suis qu'un être qui vit au jour le jour. Sorti de chez le médecin, tout est dans l'ordre, mais faut-il le croire? Sa blouse blanche me reflète un bilan noir. La confiance part, je deviens mon seul juge et les nouvelles sont pathétiques. Cancer, sida, hépatite. Je devrais être mort en fait, mais je suis mort de peur d'être malade. Étonnante et cette balade à travers ma tête. Parfois tout revient, j'ai la patate, échec et mat. Sur le mal, je me sens être comme un nouveau-né qu'on réinvente. Prêt à vivre sans temps, mais pas en salle d'attente. Pour tout, pour rien, mais pas pour le trac. H24 de finir à vie hypochondriaque. Ombre d'un doute, ne plane plus sur ma santé, en constante observation. Si vous avez mal au ventre, et je sais si on peut avoir mal au ventre, l'hypochondriaque se dit bon, j'ai mal au ventre, c'est là, machin, on est pas loin du côlon, j'ai tout. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il dit sur le cancer du côlon. Au moment où il rentre, où je l'appelle et où je lui dis bonjour, je sais qu'il est paniqué. Il a la main complètement moite, il est blanc comme un linge, il a le visage figé, enfin bon, il ne faut pas sortir de. Faut pas s'appeler Freud pour comprendre que tu vas pas bien et que tu es très inquiet. Le malade est à la fois tétanisé parce que j'ai prononcé le mot qui tue et en même temps soulagé parce que je l'ai compris.